Chapitre 7e. Peu de jours après, Mr. Bingley vint faire visite. Il était seul. Son ami l'avait quitté le matin même pour aller à Londres. Il devait revenir dans 10 jours. Il resta environ 1 heure et fut extrêmement gai. Mrs. Bennet voulut le retenir à dîner, mais il avoua d'un air fort affligé qu'il était engagé ailleurs. « J'espère que nous serons plus heureux lorsque vous reviendrez. » Mr. Bingley se confondit en remerciements et promit de saisir la première occasion de revenir. « Pouvez-vous demain ?» Il n'avait aucun engagement pour le lendemain, et l'invitation fut acceptée avec joie. Il arriva le lendemain, mais de si bonne heure qu'aucune des dames n'était habillée. Mrs. Bennet, à moitié vêtue, courut à la chambre de ses filles. « Ma chère Jane, dépêchez-vous, il est arrivé, il est là-bas. Dépêchez-vous, mon ange. Ici, Sarah, venez aider Miss Bennet à mettre sa robe. » Et laissez les cheveux de Lizzie. Nous descendons dès que nous pourrons, dit Jane. Mais je crois que Kitty doit être plus avancée que nous dans sa toilette, car il y a plus d'une demi-heure qu'elle est montée. Elle pourrait aller recevoir Mr. Bingley. Oh, laissez Kitty, qu'a-t-elle à faire là? Où est votre ceinture, ma chère? Allons, dépêchez-vous. Mais lorsque sa mère fut loin, Jane ne voulut jamais descendre sans une de ses sœurs. Le même empressement à les laisser seuls reparut dans la soirée. Après le thé, Mr. Bennet se retira, comme à l'ordinaire, dans sa bibliothèque, et Marie remonta chez elle pour faire de la musique. Sur 5, 2 étant déjà éloignés, Mrs. Bennet faisait des signes à Kitty et à Elizabeth pour les engager à sortir de la chambre, mais cette dernière ne voulait pas les voir, et quant à Kitty, elle lui dit très innocemment « Qu'est-ce que c'est, maman? Pourquoi me faites-vous ces signes? Que voulez-vous que je fasse ?» « Rien, mon enfant, je ne vous ai point fait de signe. » Elle se contint encore 5 minutes, puis, ne pouvant se résoudre à laisser échapper une si bonne occasion, elle se leva tout à coup et dit à Kitty, « Venez, mon ange, j'ai à vous parler. » Et elle l'emmena dans une autre chambre. Jane jeta à Elizabeth un regard suppliant, qui lui exprimait l'embarras que lui causaient les intentions de sa mère et l'engageait à ne pas s'y prêter. Un instant après, Mrs. Bennet entr'ouvrit la porte et dit « Lizzie, ma chère, j'ai un mot à vous dire. » Elizabeth fut forcée de se rendre à cette sommation. « Il faut que nous les laissions un peu seuls, » dit Mrs. Bennet. « Kitty et moi, nous allons monter dans ma chambre. » Elizabeth n'essaya point de discuter avec sa mère, mais elle attendit dans le vestibule jusqu'à ce qu'elle fût partie avec Kitty, et alors elle rentra dans le salon. Ainsi, les plans de Mrs. Bennet échouèrent pour ce jour-là. Bingley était empressé, attentif, gai et aimable, mais il ne pensait point à faire une déclaration. Il eut à peine besoin d'une invitation pour rester à souper, et avant de s'en aller, il prit auprès de Mrs. Bennet l'engagement de venir chasser le lendemain avec son mari. Depuis ce jour-là, Jane ne parla plus de son indifférence ni de son calme, et pas un mot de Bingley ne fut prononcé entre les deux sœurs. Elizabeth alla se coucher dans la douce persuasion que tout serait bientôt fini, à moins pourtant que Darcy ne revînt plus tôt qu'il ne l'avait dit, quoiqu'elle crût bien cependant qu'il ne s'opposait plus au bonheur de son ami. Bingley fut exact au rendez-vous. Il passa la journée avec Mr. Bennet, comme il en avait été convenu. Il était plus aimable que ce dernier ne s'y serait attendu. Il était naturel que Mr. Bennet amenât dîner chez lui son compagnon de chasse, et dans la soirée, l'esprit de Mrs. Bennet travaillait de nouveau pour inventer un moyen de laisser Bingley seul avec sa fille. Elizabeth, qui avait une lettre à écrire, se retira après le thé. On allait se mettre au jeu. Elle n'était plus nécessaire à sa sœur pour contrecarrer les projets de sa mère. Mais en rentrant au salon, elle s'aperçut, à son extrême surprise, qu'il y avait quelques raisons de craindre que sa mère n'eût été trop ingénieuse. Car en ouvrant la porte, elle vit sa sœur et Bingley seul, debout près de la cheminée, engagée dans la plus sérieuse conversation. Et lors même qu'elle n'aurait eu aucun soupçon, la précipitation avec laquelle ils détournèrent leur tête en s'éloignant l'un de l'autre lui aurait tout révélé. Si leur position était embarrassante, la sienne ne l'était pas moins. Ils s'étaient assis tous les trois, et comme ils ne prononçaient pas une parole, Elizabeth était sur le point de se lever et de se retirer lorsque Bingley, quittant sa chaise, dit quelques mots à voix basse à Jane et s'élança hors de la chambre. Jane ne pouvait rien avoir de caché pour Elizabeth, surtout quand sa confiance ne devait causer que de la joie. Elle l'embrassa tendrement et lui avoua avec la plus vive émotion qu'elle était la plus heureuse créature du monde. « c'est trop, disait-elle, je ne le mérite pas. Oh, pourquoi tout le monde n'est-il pas aussi heureux que moi ?» Elizabeth la félicita avec une vivacité, une chaleur que les mots ne sauraient exprimer, et chacune de ses expressions de tendresse était une nouvelle source de bonheur pour Jane. « Il faut, s'écria tout à coup Jane, que j'aille vers ma mère. Je ne dois pas tromper sa tendre sollicitude, ni permettre qu'elle apprenne mon bonheur d'un autre que de moi. Il est déjà vers mon père pour lui demander son consentement. Oh, Lizzie, quelle douceur pour moi de savoir que ce que j'ai à dire fera tant de plaisir à toute ma chère famille. Comment puis-je supporter tant de bonheur ?» Elizabeth fut rejointe au bout de très peu de moments par Bingley lui-même, dont la conférence avec son père avait été très courte et très heureuse. « Où est votre sœur ? » dit-il en entrant dans la chambre. « En haut, avec ma mère. Elle descendra bientôt, je suppose. » Alors il s'avança vers elle et réclama les souhaits et la tendresse d'une sœur. Elizabeth lui exprima franchement sa joie. Cette soirée fut délicieuse pour tous. La satisfaction qu'éprouvait Jane répandait une douce vivacité sur sa figure. Elle la rendait plus belle que jamais. Kitty minaudait, souriait et se berçait de l'espérance que son tour viendrait bientôt. Mrs. Bennet ne trouvait pas des termes assez vifs pour exprimer son bonheur, et cependant, elle ne pouvait parler d'autre chose. Lorsque Mr. Bennet les rejoignit à souper, on vit dans toutes ses manières combien il était heureux. Cependant, il ne prononça pas un mot qui eût rapport à ce qui s'était passé, jusqu'à ce que Bingley se fût retiré. Alors, se tournant du côté de sa fille, il lui dit « Jane, vous serez une heureuse femme. » Jane lui baisa la main. « Vous êtes une bonne fille, » lui dit-il, « et j'ai un grand plaisir à penser que vous serez si bien établie. Je ne doute pas que vous ne vous conveniez très bien. Vos caractères ne présentent pas de grands contrastes. Vous êtes tous deux si complaisants qu'il n'y aurait jamais de discussion, si facile que tous les domestiques vous tromperont, et si généreux que vous dépenserez toujours plus que votre revenu. »« Dépensez plus que leur revenu, mon cher Mr. Bennet, » s'écria sa femme. « Que dites-vous ? Il a 4 000 livres de rente et peut-être davantage. » Puis, s'adressant à sa fille, « Je suis si heureuse, ma chère Jane. Je suis sûre que je ne fermerai pas l'œil de toute la nuit. Je savais bien que cela arriverait. J'ai toujours dit qu'il fallait que cela fût ainsi. J'étais sûre que le ciel ne vous avait pas fait si belle pour rien. Je me souviens que la première fois que je le vis, je pensais que probablement un jour vous seriez unis à lui. Oh, c'est le plus beau jeune homme que j'ai jamais vu. » Wickham, Lydie, tout était oublié. Jane était son enfant bien-aimé, et dans ce moment elle ne pensait point aux autres. Elle la voyait déjà entourée de tout le luxe et l'élégance que peut donner la fortune. Kitty demandait qu'on eût des bals à Netherfield tous les hivers, et Marie qu'on lui permît de faire usage de la bibliothèque. Depuis ce moment-là, Bingley, comme on le pense bien, passait ses journées à Longbourn, venant très souvent avant le déjeuner et restant toujours après le souper, à moins cependant que quelques cruels voisins, qu'on ne pouvait assez détester, ne l'invitaient à dîner et qu'il ne se crût obligé d'accepter. Elizabeth trouvait rarement l'occasion de parler avec sa sœur, car tant que Bingley était présent, Jane ne s'occupait que de lui. Mais elle leur était fort utile à tous deux dans les moments de séparation qu'il était impossible d'éviter. Lorsque Jane était quelques instants absente, Bingley parlait d'elle à Elizabeth, et quand Bingley n'y était pas, Jane recourait aux mêmes moyens de consolation. « Que je suis heureuse, » disait-elle un soir. « Il m'a dit qu'il avait absolument ignoré que je fusse à Londres le printemps dernier. »« Je le soupçonnais fort, » dit Elizabeth. « Vous a-t-il expliqué comment cela avait pu se faire ?» Ses sœurs le lui avaient caché. Il paraît bien certain qu'elles n'étaient pas satisfaites de notre liaison, et je n'en suis pas surprise, puisqu'elles avaient fait un choix si avantageux pour lui sous tous les rapports. Mais j'espère que lorsqu'elles verront leur frère heureux, elles ne seront plus fâchées qu'il se soit attaché à moi, et que nous vivrons fort bien ensemble. Cependant, je ne crois pas que nous puissions jamais redevenir ce que nous avons été. Voilà le discours le plus rempli de ressentiment que je vous ai jamais entendu prononcer, dit Élisabeth. Excellente personne. Je serais bien en colère si je vous voyais de nouveau la dupe de la prétendue amitié de Miss Bingley. Croirez-vous, Lizzie, que lorsqu'il partit pour Londres au mois de novembre, il m'aimait véritablement, et que ce ne fut que la conviction de mon indifférence qui put l'empêcher de revenir? Il est sûr qu'il s'est bien laissé tromper, mais cela même fait l'éloge de sa modestie. Cette réflexion amena tout naturellement Jane à parler des bonnes qualités de Bingley. Élisabeth fut charmée de voir qu'il n'avait point inculpé son amie, car quoique Jane eût le cœur le plus généreux du monde, il eût été bien difficile que les circonstances de cette affaire, si elle les eût connues, ne lui eussent pas donné de la prévention contre Mr. Darcy. « Je suis la plus heureuse créature du monde, » s'écria Jane. « Oh, Lizzie, pourquoi ai-je été ainsi choisie et bénie entre toutes? Ah, si je pouvais vous voir aussi heureuse que moi! S'il y avait un autre Bingley pour vous! Je ne serai jamais aussi heureuse que vous. Tant que je n'aurai pas votre excellent caractère, votre angélique bonté, je ne puis avoir votre bonheur. Non, laissez-moi me changer moi-même, et ensuite, si mon heureuse étoile le permet, je pourrai peut-être retrouver un autre Mr. Collins. » On ne pouvait garder le secret longtemps à Longbourn sur le mariage de Jane. On permit à Mrs. Bennet d'en dire un mot à l'oreille de Mrs. Phillips, qui, sans permission, le dit à tous ses voisins, et bientôt les Bennet passèrent dans tout le voisinage pour une famille destinée au bonheur, quoique peu de semaines auparavant, lors de l'enlèvement de Lydie, on les avait crus nés pour l'infortune.